Andromède étincelle, Orion resplendit, l'essaim prodigieux des Pléiades grandit, Sirius ouvre son cratère, Arcturus, oiseau d'or, scintille dans son nid, le scorpion hideux fait cabrer au zénith le poitrail bleu du Sagittaire. L'aéroscaphe voit comme en face de lui, là-haut, Aldébaran, par ses faits éblouis, percé, escarboucle des cimes, le chariot polaire aux flamboyants essieux, et plus loin, la lueur lactée, ô sombres cieux, la fourmilière des abîmes. Vers l'apparition terrible des soleils, il monte. Dans l'horreur des espaces vermeils, il s'oriente, ouvrant ses voiles. On croirait, dans l'éther où de loin on l'entend, que ce vaisseau puissant et superbe, en chantant, part pour une de ses étoiles. Tant cette nef, rompant tous les terrestres nœuds, volante et franchissant le ciel vertigineux, rêve des blêmes zoroastres, comme effréné au souffle insensé de la nuit, se jette, plonge, enfonce et tombe et roule et fuit dans le précipice des astres.